L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Olivier Brune, donc, parole du dedans, entre parenthèses, le fleuve, proposé et interprété par la compagnie L'Art éclair. Olivier Brune, vous êtes écrivain, dramaturge, auteur et metteur en scène de cette pièce, parole du dedans. Au-delà de cette présentation, avec une biographie bien complète, dans diverses expériences, tant théâtrales que cinématographiques, ai-je vu, est-ce qu'on peut dire que vous êtes également un explorateur des marges ? Oui, je sais pas si l'aspect fourni du CV veut peut-être dire que je suis vieux. Non, homme d'expérience. D'accord. Oui, dans les marges, probablement aussi. C'est-à-dire que j'ai grandi dans les cités, et puis j'ai eu la chance que ma vie déclenche un peu autrement, notamment aux côtés de Laurent Terzieff, avec qui j'ai passé 15 ans. Donc j'ai eu la chance de passer d'endroits très, très, très difficiles à des endroits ou à des compagnies très, très intenses, des artistes très, très éblouissants. Et je n'arrête pas de faire ce lien. À un moment donné, en arrivant vers la quarantaine, par exemple, je me suis demandé comment j'allais pouvoir ramener ce que j'avais rencontré dans les endroits où j'étais né. Et voilà que je me retrouve en prison. Mmh. Alors, avant cela, vous avez créé une compagnie, L'Art éclair, fondée en 2004. Je pense que c'est intéressant de faire le lien avec la compagnie également, dans sa démarche artistique. La compagnie s'immisce dans les marges, les friches, les interstices de la société. C'est bien plus qu'une simple immersion au milieu carcéral pour la pièce dont il est question aujourd'hui. Bien sûr, il y avait une double démarche au moment où j'ai fondé la compagnie et ça marche encore maintenant. D'abord, je trouve que le théâtre est extrêmement replié sur lui-même, d'une manière générale. Il n'y a pas que le théâtre, hein. Je pourrais parler de l'édition, je pourrais parler d'autres milieux, c'est-à-dire que je trouve que le théâtre n'est pas forcément toujours tourné vers le monde d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Donc il m'intéressait de pouvoir faire écho de quelque chose qui... du monde qui est autour de nous, du monde dans lequel nous sommes en mouvement. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il me semble aussi qu'il y a tout un champ de la société qui n'est pas entendu. Jamais. Ce qu'on appelle souvent les sans-voix. Oui, alors on peut les trouver, je les ai trouvés par exemple dans le monde du handicap mental. Mmh. J'entends pas de gens parler de sexualité avec le handicap mental. C'est un sujet tabou carrément. Ouais. Mmh. Comment ça va? Comment tu fais? Comment ça se passe? Alors que j'entends parler de ça dans d'autres milieux, dans les milieux bobos, dans les milieux... les miens, enfin, quand je dis bobos, c'est pas du tout... je rejette aucun milieu, mais il y a des sujets tabous. Et de la même manière, je travaille avec des gens de la rue, des SDF, auxquels on ne demande rien, jamais. On leur demande s'ils ont faim ou s'ils ont froid. On leur donne une pièce. Et donc... il y a un champ poétique auquel on n'atteint pas. Or, il me semble, de mon expérience, que le champ poétique est commun à l'humanité tout entière. Donc j'ai voulu aller entendre des endroits, des échos auxquels je suis, moi, pas habitué. Mmh. Il y a ça, c'est-à-dire que lorsque je me retrouvais à répéter avec des comédiens dont c'est le métier, au bout de 20 ans de métier, je me retrouvais dans des champs connus. Je me retrouvais grosso merdo, sans trop de surprise. Quand je rentre dans une prison, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qui je vais entendre. Je ne sais pas ce que je vais ressentir. Je ne sais pas ce que je vais avoir envie d'écrire. La même chose avec les personnes de la rue, la même chose avec les personnes handicapées mentales. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien ne pas connaître la fin de la pièce que je vais monter. J'aime bien ne pas savoir où je vais. Alors, le milieu carcéral, vous le connaissez déjà. Je crois que vous avez déjà mené d'autres expériences, en particulier avec la maison d'arrêt de Villepinte. Exact. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de cette expérience que vous avez menée avec la maison d'arrêt du Val d'Oise, qui est située sur la commune d'Ony, sur Cergy-Pontoise. Alors, une expérience qui a, je crois, commencé dans les premières rencontres dès l'automne 2014, c'est oui. ça ? Oui. Avec cette idée pour moi, parce que je suis essentiellement auteur, hein, je suis auteur-metteur en scène, mais on m'appelle plus auteur, où mes écritures sont au plateau quand c'est des écritures théâtrales, avec cette idée d'aller écrire là-bas. Donc je ne pratique pas des choses qui sont comme des ateliers d'écriture. ce que je fais, c'est que je vais écrire. Donc j'écris avec les détenus, à leur côté, en même temps qu'eux, on mêle nos textes, j'en écris pour eux. Et j'ai voulu, l'année dernière, d'octobre à décembre, développer une écriture dans la maison de Nîmes avec une douzaine de détenus, hommes, puisqu'il n'y a que des garçons dans la maison d'arrêt de Nîmes. Quand vous parlez de deux écritures qui se confondent, peut-être c'est le choix plutôt délibéré de la fiction que vous avez menée avec ces détenus ? Toujours, toujours. Toujours. Mon seul biais pour aborder une réalité, c'est la fiction. Dans un bouquin qui a été publié à La Découverte, qui s'appelle « Passer par la case prison », avec, on était quelques-uns, Nancy Houston, qui va venir ici d'ailleurs samedi prochain pour discuter avec nous de tout ça, avec Virginie Despentes, etc. J'ai fait le portrait d'un détenu, et ce détenu avait dit en interview, c'était pour Libération, il avait dit « Je n'ai pu parler à Olivier de la vérité que parce qu'il m'avait dit, vous savez, je ne vais rien écrire, tout ce que je vais écrire est faux. Voilà. Mmh. Je ne crois pas au réel, en tout cas pour moi, de mon point de vue d'auteur. Donc si je dois percevoir quelque chose, c'est toujours par « il était une fois ». On raconte des histoires. Mmh. Donc le spectacle qu'on va donner ces deux jours-ci, c'est de la fiction. D'ailleurs, vous précisez dans votre propos, c'est dans le dossier de presse, dans mon esprit d'écrivain, seule l'invention fait sentir le vrai. Oui. La prison, lieu de toutes les histoires, des histoires qui se disent ou ne se disent pas, les non-dits aussi sont fréquents dans ces lieux-là. On se raconte, on se la raconte aussi. Oui. Pour tuer le temps, il y a, j'observais comme dans le reste de la société finalement, il y a aussi une langue de bois qui est dans le milieu carcéral. Oui, oui, oui. Elle est rigolote d'ailleurs parce que chez les garçons, ça flambe. Mmh. Donc on est plus ou moins gradé. C'est-à-dire que plus on est indur, plus on la ramène. Dans les prisons de femmes, c'est tout à fait autre chose. Une femme qui est en détention, par exemple, c'est une femme qui sait qu'elle a raté quelque chose. Elle sait qu'elle est en échec. Vous voyez ? Alors, les garçons, par exemple, la langue de bois carcérale, ça va être de raconter qu'on est indur. Et pour arriver aux pleurs dans la cellule, pour arriver au moment où on est en plein désespoir, parce qu'on pense à ses gamins, parce que c'est Noël, parce que ça fait trop longtemps qu'on est là. Pour ouvrir cette porte-là, il faut rester un petit peu longtemps, il faut avoir trouvé un peu de confiance. Mmh. Alors, il y a ce travail d'écriture. Vous avez dit, j'ai voulu entendre et transformer un certain nombre d'histoires récoltées dans cette maison d'arrêt du Val d'Oise, mais effectivement, l'écriture finale, le spectacle, c'est une fiction. Malgré tout, c'est pas simplement la participation des détenus, c'est pas simplement dans cette phase de l'écriture, mais y compris dans l'interprétation, car c'est la rencontre entre des acteurs professionnels avec deux détenus de la maison d'arrêt qui vont se retrouver sur scène, c'est bien ça ? Oui. Là, ils sont que deux pour des questions d'état d'urgence. Mais après, dans l'ensemble de mon travail, je déteste les ghettos. Donc, par exemple, quand je monte des spectacles avec des personnes handicapées mentales, personne ne peut dire qui sont les personnes handicapées mentales et qui sont les comédiens. Très peu de gens peuvent le dire. Et souvent, on se trompe. Et d'ailleurs, entre un handicapé mental et un comédien professionnel, le plus handicapé des deux n'est souvent pas celui qu'on croit. Mmh. Ça, c'est une chose. Et là, pareil, je ne voulais pas qu'on vienne voir les détenus, les pauvres petits détenus. Donc, je ne sais pas, il y a un acteur qui s'appelle Vincent Winterhalter, que vous voyez un peu partout. Dans tous les théâtres, il est venu ici jouer, je crois, La Mégère apprivoisée. Il va y avoir Baptiste Amann qui a joué ici une chose sur la bande à Bader de la saison dernière. C'est-à-dire des acteurs extrêmement valeureux. Il y a une danseuse qui vient de chez Pietra Gala qui s'appelle Noémie Etlin, parce que je veux absolument pas qu'on confonde cette création, c'est-à-dire qu'une pièce de théâtre, je monte la pièce de théâtre la plus belle possible avec quelque chose qui serait une activité socio-culturelle ou que je ferais du socio-accompagnement. Mmh. On est là pour raconter des histoires. Et là où ça marche, c'est parce qu'on se mélange. C'est la porosité qui fait que les comédiens sont impressionnés par ce qu'ils rencontrent en détention. Les détenus sont impressionnés par ce qu'apportent les acteurs. Et au bout d'un temps, le mélange, s'il prend, est somptueux. Mmh. Est-ce que ça fait écho à votre roman qui est sorti en 2012, La nuit du chien ? Oui, oui, oui. Parce que, pardonnez-moi pour ceux qui ne l'ont pas lu, et je leur recommande de le lire, de le découvrir, il y a une forme de collision, de permanente collision entre brutalité et délicatesse, sauvagerie et finesse. C'est un peu ça aussi, entre le monde du dedans et le monde du dehors. Oui, oui, oui, toujours cette idée-là, et cette idée, par exemple, donc c'est un roman qui est paru chez Actes Sud en 2012. La nuit du chien. Oui, il a été extrêmement reconnu, il est adapté au cinéma, là j'ai de la chance. Par exemple, c'est très troublant, le langage rural aujourd'hui, qui l'entend? Où est-ce qu'on entend parler? En tout cas dans le monde du roman, pas beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'est il y a des paysans, puisque le gamin qui a grandi en cité est élevé par des gens dans une famille d'accueil. Donc ces liens entre les différents langages, ces liens entre les différentes couches de population, ces liens entre des personnes qui ne sont pas habituées à articuler leurs pensées, c'est pour moi un terreau d'écriture absolument somptueux. Parfois plus intéressant que dans des écritures plus normées, plus à thèse, plus calibrées. Et je suis tout le temps là. Mais je suis pas... On est nombreux, hein. Truman Capote a écrit « De sang froid dans une prison ». Jack London a écrit, vous voyez, Gorky. Enfin, on est nombreux à s'intéresser à qu'est-ce qui se raconte quand on est un tout petit peu moins filtré, et je fais beaucoup d'allers-retours entre des réalités que je rencontre et l'écriture. Je voudrais finir cette interview en partant un petit peu de ce que vous avez dit au début et de la place de votre définition du rôle du théâtre. C'est un petit peu la ressource première de votre compagnie, l'art éclair. Vous avez dit la chose suivante sur la place du théâtre dans la société. L'exigence et l'ambition artistique se doivent d'être élevées pour que les créations permettent de modifier nos perceptions du monde, nos positionnements. Et on se dit que ça résonne. Ça prend écho dans la société et dans nos actualités. Oui, et je vous fais observer aussi que ce n'est pas dans le sens, par exemple, qui serait d'éduquer le spectateur. Ça peut marcher, j'en sais rien. Mais c'est aussi que ma propre perception d'auteur et de metteur en scène est modifiée par l'expérience que je viens de faire dans la prison d'Oni, que celle des gens de ma troupe aussi. Et c'est donc cette espèce de mouvement qui permet qu'on se déplace tous. Ce qui me plaît beaucoup dans ce qui va se passer les 10 et 12 à l'apostrophe, c'est qu'on va être ensemble à ouvrir une question, et on va voir ce qui va se passer, mais on risque d'en être un petit peu chamboulé, probablement. Parole du dedans, le fleuve. Donc Olivier Brune, notre invité, à la compagnie L'Art éclair, deux représentations, je rappelle, le jeudi 10 décembre à 19h30, le samedi 12 décembre à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Jean-Joël Le Chapelain, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'occasion peut-être de nous parler de la rencontre débat L'Art en prison qui aura lieu le samedi 12 décembre à partir de 17h au même endroit, l'apostrophe Théâtre des Arts, Cergy-Centre, et peut-être rappeler le travail qui est mené depuis des années entre la scène nationale et la maison d'arrêt du Val d'Oise. Oui, comme avec beaucoup d'autres partenaires qui sont dans des segments, pourrait-on dire, ou dans des parties de la population qui font une société tout entière, hein, mais qui en fait ont des centres d'intérêt ou des vies un peu différentes, comme en effet au sein de la prison. Donc le théâtre, depuis longtemps, a un partenariat fort avec cette institution pénitentiaire, et grâce notamment au travail qui est mené en son sein par une personne qui s'appelle Christiane Laversin, qui est une personne à qui je dois rendre hommage. Je ne dois pas, je le fais avec plaisir, puisqu'elle porte ses projets et que c'est aussi grâce à elle que cette rencontre avec Olivier Brune a pu avoir lieu. Et donc, en effet, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que fait le théâtre dans une prison? Alors, dans ce compte-là, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il fait dans un hôpital, dans un EHPAD, dans des écoles? Eh bien oui, le théâtre est partout. Il doit être partout au sens où il parle de la vie des gens, et donc le plus il est en rencontre avec les populations les plus diversifiées, le plus il est en capacité de traduire cette réalité. Et par définition, le théâtre s'adresse à tout le monde. Et on voit bien que quand on traite des sujets qui concernent chacun est en face du projet dans la salle de spectacle. Alors on ne peut pas rassembler tout le monde tout le temps, en même temps, sur tous les sujets. Mais c'est un autre enjeu du théâtre, c'est celui de croiser aussi les intérêts. Et en effet, la représentation a ça pour objectif. Alors, au-delà de la représentation, en effet, la rencontre du 12 de samedi prochain, qui a été largement initié par Olivier, que je remercie, avec un certain nombre d'invités qu'il a suggéré et qui vont nous permettre de faire un petit tour d'horizon sur ces questions de la place de l'art en prison, avec en effet des anciens détenus ou des détenus, des gens qui sont dans cette situation qui peut concerner beaucoup de personnes dans une vie, et donc de pouvoir explorer ces sujets, pouvoir en parler, ça paraît tout à fait opportun au moment où nous accueillons cette création et nous avons le grand plaisir de le faire. Et le contexte dans lequel nous sommes donne en effet peut-être un écho assez singulier à cette question de la tolérance, de l'ouverture aux autres, de la laïcité, de l'interrogation sur les difficultés que rencontrent les citoyens dans la société contemporaine, singulièrement, mais il n'y a pas qu'en Europe, mais singulièrement en Europe en ce moment, mais le monde entier, comme on le voit, est agité de beaucoup de choses. Et si l'art n'est pas une réponse, l'art est une nourriture quotidienne qui permet certainement de mieux comprendre la vie. Donc c'est avec cette modestie que nous mettons tout cela en œuvre. Rencontre débat l'art en prison, ce samedi 12 décembre à 17h à l'apostrophe Théâtre des Arts, Cergy Centre. Peut-être, Olivier Brune, nous dire ceux et celles qui sont réunis, qui vont participer à cette rencontre. En premier lieu, il y a Nancy Houston, avec qui nous partageons beaucoup de cette préoccupation là du monde carcéral, c'est-à-dire en fait le monde carcéral pose la question de la punition et de la loi et de la justice, hein, et donc il y a une chose importante qui est là pour nous. Il y a les gens de l'Observatoire international des prisons, en la présence de Cécile Marcel, la présidente de cette association, qui veille aux conditions de détention. C'est-à-dire qui observe, c'est une organisation non gouvernementale. Il y a aussi, parce que c'est très important pour moi, un acteur de la troupe qui a passé un certain nombre d'années en détention, parce que je ne conçois pas qu'on puisse parler de la détention sans détenu. C'est comme de parler de la drogue sans drogué. Il y a quelque chose d'important pour moi. Et il y a Yazid Kerfi, alors cet acteur-là s'appelle Kemso, c'est un remarquable acteur. Et puis il y a Yazid Kerfi qui a une démarche très tout à fait singulière, puisque Yazid a lui-même été détenu, je crois qu'il a fait 5 ans, et maintenant Yazid va dans les cités pour parler aux jeunes et leur expliquer son expérience et leur expliquer à quel point on va dans le mur quand on cherche le rapport violent ou le rapport à la délinquance ou le rapport... Donc il va parler partout avec son camping-car. Les médiatisés, on le connaît bien. Voilà. Il a écrit Repris de justesse, si j'ai bonne mémoire. C'est une personne qui, effectivement, fait un travail remarquable en matière de prévention aujourd'hui. C'est ça. Bien, la rencontre, le rendez-vous est noté, c'est pour le samedi 12 décembre à 17h, l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre.